Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Et ben c'est reparti pour une nouvelle édition de Flycase. Comme tous les samedis entre 16h et 18h, les 20 titres indispensables, les 20 titres incontournables. Avec cette semaine, eh bien, une fois de plus, pas mal de changements. Nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis pas mal de nouveautés également cette semaine. Il y a un total de 4 entrées et 4 sorties. Flycase. La sortie de Boris De Gauche et Purple Disco Machine avec Love. En sortie également Koyo et Carrie Holden avec The Cat. On vous l'a dit, ça bouge pas mal cette semaine. G-Follows également en souvenir avec Losing You. Et enfin, quatrième et dernière sortie, ex numéro 1 également, Juge et Tubenberger avec Dizzery. Numéro 20. Et pas mal de changements, pas mal de propositions également à vous proposer tout à l'heure, tout au long de cet après-midi. Avec tout de suite eh bien, la 20e position, Lanterne Rouge. À mon avis, c'est la dernière semaine également. C'est à vous de voter Facebook, Flycase, bien évidemment. La reprise de SOS Band dans les années 80. Rappelez-vous de Vinus, c'était le titre d'origine. Ça vient d'être remixé par Adri Block, numéro 20. Ça perd 4 places, The Vinus Groove. Bon après-midi, restez avec nous. Hein. We'll be right back. numéro 19. Titre incontournable et tout, samedi entre 16h et 18h avec Rulio Bashmore et Sam Dio, ça s'appelle Olivon numéro 19, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Et pointé numéro 20 juste auparavant, la reprise de SOS Band Adri Adblock avec le titre The Finest Groove. Pointé numéro 20, ça perd 4 places. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase, nouveauté, numéro 18. A mais pura. I keep you on my arm. To get what we get. bon ce titre, hein, pointé numéro 15-16 cette semaine dans le classement du Flycase. C'était Atlas Genius avec Molécule, numéro 16, c'est Persin Class. Deux entrées juste auparavant, numéro 17, petite production de la région, Tim Barisco avec le titre Marilyn Monroe, petite découverte Galaxy également. Et numéro 18 encore auparavant, c'était Red Axis avec Abrao, ça s'appelle Sabor. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et nous sommes samedi ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver, 21h Franck Lido, 22h DJ Tom Marty à 23h, Storm à partir de minuit, à partir de 1h Gus, DJ Gus, Marc Lover à partir de 2h, à 3h c'est Santos et à 4h Pierre Terry pour clôturer cette soirée. Tout de suite voici une petite proposition d'entrée pour la semaine prochaine. On vous l'avait déjà proposé la semaine dernière, c'est le retour de Ramon Tapia avec le nouveau single, ça s'appelle Yellow Submarine. C'est à vous de voter sur Facebook Flycase. 14. Flygaze, nouveauté. I get deep, I get deeper into the vibe. What's high? Chilling in the corner at the shelter all by myself, checking it out, I'm not dancing no more, but why, what, how on earth are you supposed to vibe around the fake ones, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what, they just strut, what the fuck, what? I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there. I just stare up in the booth at the dread man, spinning the song, spinning it strong, playing things like, when can our house begin? That's my shit. What? Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Deeper when people start to disappear, and it's about 6 o'clock. Ooh, I'm feeling hot. Take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face, and I pretend that there's nobody there but me in the place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo! I get deep. And he takes all the bass out the song, and all you hear is highs, and it's like, oh, I get deep, and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk, and I'm falling all over the place, but I catch myself right on time, right in line with the beat, and it's so sweet. I get deep. Comprendre que c'était le titre I Get Deep, c'est pointé numéro 14, c'était la troisième entrée pour cette semaine. Il y en a quatre au total, je rappelle DJ Leroy et Roland Clark avec I Get Deep. C'est une version remixée bien évidemment, un titre qui est sorti il y a quelques années. Et numéro 15, 8 places au moins, Cut Snake juste auparavant avec Echoes. Restez avec nous dans un tout petit instant, la position numéro 13 et la position numéro 11 avec Pluck and Fitch, Roddy Murphy et Matt Joe. À tout de suite. Les 20 indispensables sur Galaxy numéro 13. Thank you.

contrôle de vos oreilles. Bientôt le retour dans ce classement du Flycase, Duke Dumont. En tout cas, c'est le nouveau single, ça s'appelle Ocean Drive. Et puis, c'est à vous de voter sur Facebook Flycase. 17h, soyez les bienvenus, voici le récapitulatif. Flycase numéro 20. Allez, on y va, récapitulatif de la position numéro 20 à la position numéro 11. Numéro 20, 4 en place de moins, lanterne rouge cette semaine pour Adri Block avec The Finest Groove. Numéro 19. Numéro 19, il s'appelle Julio Bashmore et le titre Holding On, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Numéro 18. 4 entrées cette semaine, la première est positionnée numéro 18, le groupe s'appelle Red Axis et Abrao, ça s'appelle Sabor et ça c'était excellent. Numéro 18. Numéro 17. Encore une petite découverte galaxie, production de la région Team Baresco avec le titre Marilyn Monroe, numéro 17. Numéro 16. Sa personne place cette semaine, une petite découverte galaxie également, le groupe Atlas Genus avec Molécule. Numéro 15. C'est l'une des plus grosses gamelles pour cette semaine, 8 places au moins pour le titre Cut Snake avec Echo, le remix de Snowmass. C'est la troisième entrée pour cette semaine, pointée numéro 14. Un titre qui s'est sorti originellement en l'an 2000, DJ Leroy avec I Get Deep. Numéro 13. Numéro 13, c'est l'une des plus fortes gamelles également. 8 places au moins pour les Procum Fitch avec Tears, numéro 13. Numéro 12. Roisin Murphy, 2 places au moins. Elle quitte les 10 premiers avec ce titre Evil Eyes, le remix de Clapton, numéro 12. Numéro 11. Et enfin numéro 11, c'était Matt Joe avec Make a Living, ex numéro 1. Oulala, c'est une grosse chute également, 7 places de moins cette semaine. Numéro 10. Alors attention, avec toutes ces pertes, ça veut dire qu'il y a pas mal de titres qui gagnent du terrain cette semaine dans les 10 premiers. Et on découvre tout de suite ça. Numéro 10, ça gagne 3 places, Damien Lazarus, c'est le nouveau. Ça s'appelle We Will Return et c'est le remix de Infinity Inc. Bon après-midi, restez avec nous. salt, tada tada, so much sand. But I got to lie down, how shall I ride? I got to lie down, and how shall I ride? I got to lie down, how shall I ride? Standing at the dead man's ball, yeah. C'est normal, c'est classé dans les 10 premiers du Flycase finalement. Que varie avec Auction Line Rise, spécialement par rapport à la semaine dernière. Et juste auparavant, c'était Damien Lazarus avec We Will Return, leur mix de Infinity Inc. Flycase, les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 8. We'll be right back.

une petite découverte au Galaxy, ça fait plaisir, c'est en plein samedi après-midi. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut, Youth Notum, avec Anana Club, ça s'appelle Hush, leur mix de Bepeta numéro 6, numéro 7, c'était la meilleure entrée pour cette semaine. Il s'appelle Riton, elle s'appelle Riton à Calo, et le titre Rinse and Repeat, numéro 7. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et ce soir sur Galaxy, puisque l'on parle des tribus électroniques, voici le rendez-vous mix à partir de 20h. C'est Jérôme B que vous allez retrouver. À 21h, Franck Lido, 22h, Digitom, 6 mix, Marty à partir de 23h, Storm à minuit, Digigus à partir de 1h, Mark Lower 2h, 7 Santos à 3h et Pierre Terry, ce sera de 4h à 5h. Restez avec nous tout de suite. On fait une petite proposition d'entrée. Tiens, il y a plein de samples dans ce titre. Vous allez certainement les découvrir. Le groupe s'appelle Me and My Tooth Bros. Ils avaient déjà classé un titre il y a quelques temps. De cela dans Flakeys. Voici le nouveau, proposition d'entrée, ça s'appelle Gold Member. Très très bon après-midi. Vous écoutez Galaxy, 17h26. We'll be right back. un titre indispensable. Flycase numéro 5. We'll be right back. Incontournable pointé numéro 4, ça gagne 4 places cette semaine. Le titre de This Is High, peut-être un futur numéro 1 comme Simi. Et délaisse Simi juste pour avant avec Too Much Information en remix numéro 5. petite découverte Galaxy. Le groupe s'appelle Oh Yeah, le titre Nothing But The Beat. C'est leur remix de Hot Toddy. Bon après-midi, voici le podium de la tête. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase, numéro 3. Et en numéro 3 cette semaine, ça perd une petite place, Purple Disco Machine, le grand retour également dans ce classement, avec le titre Yo. Stretch your noise. hustle. I can speak about it, language, it's official. I don't know you, but I think I get the gist of. When we drinking and we end up on the dance floor. Too late, shorty. Now you got a man, but your man's not me. Tell your boyfriend, baby, stay in la vie. Girl, it's all good, got the feeling in your cheeks. Go ahead and smile, let them lips show. When they play this, it's a party at the disco. All the girls go wild, let the hips go. If you feel it, can I get a little kiss, though? One, pretty thing, can't lie. If you wanna play, wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight, I just wanna see you smile right now, come on. Numéro 10. Allez, on est parti, les 10 meilleurs pour cette semaine. Récapitulatif, pointé numéro 10. Ça gagne 3 places, Damien Lazarus avec We Will Return, le remix de Infinity Inc. Numéro 9. Naturellement, on part à la semaine dernière pour la 9ème position. Le groupe s'appelle Kovari, le titre How Shall I Rise, avec l'accent du samedi. Eh oui. Complètement déjanté, puis on adore sa polyester, découverte galaxie numéro 8, ça y est, le 6 place, Katrina. Numéro 7. C'est la meilleure entrée pour cette semaine et à mon avis c'est très prometteur également. Riton et Calo, ça s'appelle Rinse and Repeat. Numéro 6. Unotus, ex numéro 1 de ce classement du Flakies, numéro 6, Anana Club l'accompagne avec Hush, le remix de Bebeta. Numéro 5. On adore ce titre-là également, peut-être un futur numéro 1, qui sait, hein, c'est à vous de voter Facebook Flakies, Dele Sosimi Afrobeat. Ça s'appelle Too Much Information, c'est un remix de Laolu, pointé numéro 5, c'est gagné 7 places. Numéro 4, 4 replaces de mieux également, ça va être très cher la semaine prochaine. This is I, c'est le nom du groupe. Kieran Fox avec Comme Simi. Numéro 3. Une petite place de moins cette semaine pour les Purple Disco Machine avec Yo, numéro 3. Numéro 2. Et enfin, numéro 2, on s'est écouté il y a quelques secondes, c'était le numéro 1 de la semaine dernière, autrement dit, ça perd une petite place. Alex Goffer et Étienne de Crécy avec Smile. Galaxy. Fly Case. Fly Case. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Nouveau numéro 1, ça gagne 2 places cette semaine et puis on l'adore ce titre également, vous êtes nombreux à le plébisciter également côté standard, il s'appelle Fred Everything et le titre Churching, c'est un remix de D-Tron, nouveau numéro 1, je vous rappelle donc les votes sont ouverts, Facebook Flykez pour les semaines prochaines. Touch, turn to dust. Never realizing. searching for that missing part. You can reach and you can understand. Sous classement du Flake, c'était Fred Everything avec le titre Churching. C'est le remix de Deterrent, ça gagne 2 places. Flake. Bah voilà, Flake, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. N'oubliez pas de voter Facebook Flake, évidemment. Dans un tout petit instant, c'est Matt le Batouf en super forme. Ouais, vas-y, parle pas. Bonsoir. D'accord. Ok, je pouvais le faire aussi. Bon, il vous accompagne jusqu'à 20h. 20h, plein nouveauté. Il parle pas, je crois qu'il est un petit peu gelé. Bon allez, on y va, on est parti.